Section 2 de La Lecture, tome 6e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Marie-Anne Vidal. La Lecture, tome 6e. Section 2, La Caille, par Ivan Tourguenieff. Chapitre 2. Un jour, je chassais avec un camarade. Nous trouvâmes une famille de coqs de bruyère. La mère prit son vol, nous tirâmes. Elle fut blessée, mais ne tomba pas et s'envola plus loin avec ses petits. Je voulais les poursuivre. « Restons plutôt ici, » me dit mon camarade. « Nous imiterons leurs cris et toute la bande sera bientôt revenue. » Mon camarade savait merveilleusement imiter le cri du coq de bruyère. Nous nous assîmes. Il commença à appeler. Et, en effet, un jeune coq de bruyère répondit d'abord, puis un second, puis la mère elle-même, qui répondait avec un cri si doux, tout près. Je levai la tête et je l'aperçus qui venait vers nous en toute hâte à travers les fouillis des brins d'herbe. Sa poitrine était en sang. Évidemment, son cœur de mère n'avait pu y tenir. Elle voulait détourner notre attention. En cet instant, je me fis l'effet d'un monstre de cruauté. Je me levai en frappant dans mes mains. La mère s'envola aussitôt et les petits se turent. Mon camarade était furieux. Il me regarda comme un fou. « Tu as gâté toute notre chasse !» me disait-il. Mais à partir de ce jour-là, tuer, verser du sang me devint de plus en plus odieux. Fin de la section 2.